Elle explique en fait, avec force, expérience en laboratoire, etc., que l'amour, c'est encore une histoire de chimie, que hormones, machin truc, etc., la même hormone que l'allaitement déclencherait chez la femme et qui donc expliquerait l'attachement maternel. Donc si vous donnez le biberon, ça marche pas, ou un père, du coup, a pas l'attachement. Enfin, vous voyez aussi comment on peut arriver à naturaliser des choses. Et donc, elle explique que c'est la même hormone qui donne l'amour et que cette hormone-là, en fait, ça a un fonctionnement limité dans le temps qui est le temps d'élever des enfants. Et donc, c'est tout à fait normal qu'au bout de 2-3 ans, le prince charmant devient le vilain mari. Et grand souci, ce qui est intéressant, c'est que ça commence avec des explications biologiques et très vite, ça vire sur le livre en question. Bah oui, mesdames, c'est rigolo comment ça passe très vite à mesdames, alors qu'a priori, on pourrait parler à tout le monde. Mesdames, au bout de 2 ans, vous voyez que chimiquement, ça marche plus. Donc, vous seriez tenté d'aller voir ailleurs. Eh bien, non. Et elle dit, le vrai amour, le couple, ça se travaille. Et tout après est une morale, en fait, du couple et de la conjugalité, mais expliquée, vous voyez, scientifiquement. Et en fait, la solution qu'elle donne, donc je vais vous donner le truc, la solution qu'elle donne pour avoir un couple qui dure, c'est de demander, mesdames, les hommes, c'est pas le problème, de demander à votre amoureux, en fait, ses bulletins scolaires. Et si sur les bulletins, si c'est brillant, il ne faut pas. Mais si c'est marqué qu'il travaille, ouais, qu'il a le sens de l'effort, là c'est très bien. Parce que ça veut dire qu'il pourra s'investir dans le couple. Et quand je dis mesdames, ce n'est pas innocent. Il y a une sociologue qui s'appelle Irène Jonas qui a fait tout un travail sur tous les manuels, vous voyez, sauver votre couple. Comment faire que le couple perdure, etc. Et elle montre comment c'est une tâche qui est dévolue aux femmes. Vous voyez, ces livres-là, ils s'adressent aux femmes. C'est à la femme, en fait, de sauver son couple, de travailler pour son couple.